À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 15 juin, le représentant à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, Choi Il-min, et ses collaborateurs ont visité le 9 courant le haut lieu de la révolution de l'île de Sou, où le président Kim Il-sung a éclairé l'orientation et les moyens pour réunifier la patrie aux hommes politiques sud-coréens présents à la conférence conjointe sud-nord.